Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, le printemps arrive, il nous fait les beaux yeux, le soleil nous réchauffe gentiment. Puis on commence peut-être pour certains d'entre nous à penser ménage de printemps et quoi faire de certains déchets qui nous envahissent. Eh bien, il y a également le gouvernement qui s'est posé la question quoi faire de certains déchets qui nous envahissent. C'est le sujet de la chronique qui vient suivre de notre chroniqueur Pierre-Olivier Desmarchais. Bonjour Pierre-Olivier. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va. Bien, merci. Donc, tu viens nous parler de la nouvelle politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles. Oui, en fait, je me demande si on est vraiment sur la route de la société sans gaspillage, là, comme le prétend le ministère du Développement durable, l'environnement et des parcs. Donc, la nouvelle politique a été annoncée le 15 mars dernier par le ministre. Et bien entendu, je me demandais, les nouveaux objectifs qui sont lancés par le gouvernement ont-ils des chances cette fois-ci d'être atteints? Parce qu'il faut bien le mentionner, le Québec adopte des politiques sur la gestion des déchets depuis 1989, date de la première, qui avait pour but de réduire de moitié en 10 ans le volume de déchets acheminés au lieu d'enfouissement. Donc, au niveau quantitatif, cette politique de 1989 visait également à réduire de 36% la quantité de déchets générés. Et Pierre-Olivier, est-ce que l'objectif a été atteint? Non, le premier objectif? Ben non, en fait, François, cet objectif-là n'a pas été atteint. Je dirais même que nos modes de consommation ont fait en sorte que on génère toujours plus de déchets à chaque année. Alors, en l'espace justement de 20 ans, là, depuis 1989, on a doublé notre production de matières résiduelles. Puis, selon le dernier bilan de Recyc Québec, là, la courbe continue toujours de progresser. Ben oui, parce que non seulement, il ne faut pas rien penser de réduire de moitié ou de 10%, il faut aussi voir ça va être quoi dans 10 ans, la progression. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est souvent ça qu'on évalue mal. Mm-hmm. Puis, en fait, ben, ça rappelle aussi l'importance que là, il faut se tourner vers les modes de production et de consommation, ouais. Si on veut arriver à changer ces chiffres-là. Alors, si on revient, là, donc la politique de 89, alors 10 ans plus tard, puis on rappellera qu'au cours des années 90, là, il y a eu une commission d'enquête qui a été menée par le BAP sur la gestion des déchets. On a eu une deuxième politique qui a été adoptée en 2000. Puis, ce qui est intéressant avec cette nouvelle politique-là, c'est que c'est une nouvelle approche qui est mise en place par le gouvernement pour la gestion des déchets. Donc, c'est l'adoption de nouvelles normes qui ont permis à la fois de modifier la loi et la réglementation en vigueur. Donc, on a vraiment là décidé de réformer tout ce qui est l'aspect juridique de la gestion des déchets au Québec. Alors, on peut penser, par exemple, à la mise en place des premiers programmes de responsabilité élargie des producteurs pour les huiles usagées et les résidus de peinture, où les fabricants doivent assurer la gestion en fin de vie utile de leurs produits. Est-ce que c'est la même chose pour les pneus aussi? Les pneus, en réalité, c'est un programme gouvernemental. Donc, ce ne sont pas les producteurs qui sont visés, mais bon, il y a eu quelque chose qui a été fait aux pneus. Là. En fait, c'est une redevance là, que les consommateurs doivent payer lorsqu'ils en achètent et ensuite, ça assure la récupération des pneus. Tandis que pour les cas de la peinture, c'est... Dans le cas de la peinture, les huiles usagées, c'est vraiment les producteurs qui sont visés par ces programmes-là. Donc, par la réglementation. C'est eux qui financent. Oui, c'est eux qui financent la récupération et la valorisation de leurs produits. D'accord. Donc, c'est complètement différent. Puis, ça permet également d'éviter que ce soit le contribuable, par exemple, qui paye pour la gestion. Donc, c'est vraiment les entreprises. Puis, ça permet également une forme d'internalisation des coûts. Donc, les consommateurs, ça va être les consommateurs qui vont payer au bout du compte. Mm. Ce qui est d'ailleurs un des objectifs de Rio, là, sont les rappels du développement durable. Alors, la politique de l'an 2000, là, ça a permis également là, de mettre en place, là, ça a forcé les MRC, les municipalités régionales de comté, de soumettre au gouvernement des plans de gestion de matières résiduelles qui visent notamment à énoncer là, les orientations et les objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d'élimination des matières résiduelles sur leur territoire. On a également, au début de l'année 2006, il y a eu le nouveau règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles qui est entré en vigueur et qui remplaçait l'ancien règlement sur la gestion des déchets solides. un des éléments vraiment majeurs de ce nouveau règlement, ça a été d'obliger les exploitants des lieux d'enfouissement là, de mettre en place des équipements assurant le captage de la ventilation des biogaz qui sont générés par l'élimination des matières résiduelles et surtout des matières organiques. Mmh. Oui, parce que ça se fait déjà présentement à Montréal, il y a la société Gazmont qui est installée en fait sur le site de l'ancien site d'enfouissement, comment il s'appelle, dont Miron, je pense, la carrière Miron. Oui. Ils captent les gaz, ils captent les biogaz qui en fait contiennent à peu près 50% de CO2, 50% de méthane, et ils font passer ça à travers une turbine, ils produisent même de l'électricité. Ah ouais. Oui, et d'ailleurs, soit dit en passant, je me souviens que j'étais déjà allé visiter cette usine-là, si on peut dire, et le président directeur Guy Drouin nous avait expliqué que c'était la seule chose qu'il y avait en 1998, alors la crise du verglas, c'était la seule alimentation qui n'avait pas été. Ah, c'est vrai. Et c'est ce qui alimentait le centre-ville de Montréal. Là. Le peu d'électricité qui restait, là, ouais. C'est venu justement de Gazmont. Ouais. Et ça devrait se faire, dans le fond, dans un ouais. paquet de sites d'enfouissement. Hein. Ouais. Non, exactement. Puis ça risque d'être accentué, là, étant donné que le nouveau programme là, de gestion des matières organiques là, par biométhanisation ouais. et compostage, donc toutes les installations de biométhanisation vont permettre de récupérer ce biogaz là, et de le valoriser. Et d'en produire énormément aussi. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, on peut sans doute affirmer que depuis les 10 dernières années au Québec, là, c'est vraiment une réforme là, que l'on vit au niveau de la gestion des matières résiduelles et que, bon, nous risquons de ressentir également les effets au cours des prochaines années. Donc, si je reviens à la nouvelle politique qui a été annoncée il y a environ 2 semaines, alors c'est une politique qui comprend également un plan avec 40 actions que le gouvernement prévoit mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années. Alors, pour les objectifs généraux que le gouvernement s'est donné, là, alors le premier, là, disons que c'est de ramener à 700 kg par habitant là, la quantité de matière résiduelle éliminée, soit une réduction de 110 kg. Mais c'est encore beaucoup, hein, par rapport aux autres pays, il me semble. Oui, en effet, on est encore un très grand générateur de matière résiduelle au Québec, puis même, je dirais, au Canada en général. Alors, faut absolument s'attaquer à cette partie-là du problème. Les autres objectifs, on a également recyclé 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal, recyclé 60 % de la matière organique putrescible, recyclé également et valorisé 80 % des résidus mm-hmm. de béton, briques, asphalte, et finalement acheminé vers les centres de tri, là, 70 % des résidus du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. Donc ça, c'est les nouveaux objectifs, ça? Ce sont les nouveaux objectifs. Okay. Je pense que c'est possible de les atteindre. D'ailleurs, dans le dernier bilan de Recyc Québec, pour la première fois au Québec, on a récupéré plus qu'on a éliminé. Mm-hmm. Donc, on est sur la voie. Faudra voir là, la bonne voie. Les mesures par la suite là, que le gouvernement prévoit mettre de l'avant. Donc, allons-y d'ailleurs, parce que les stratégies ou les plans d'action, là, je ne vous les nommerai pas les 40, mais bon, j'en ai ciblé quelques-unes que je trouve particulièrement importantes. Donc, premièrement, on réitère là, l'approche là, basée sur la hiérarchie des 3 RVE au Québec. Donc, c'est vraiment sur cette approche-là qu'on va se baser pour toutes les actions qui vont être mises en place par le gouvernement. Alors, c'est privilégier, là, je vais rappeler rapidement, là, c'est privilégier les activités de traitement des matières résiduelles qui apportent un meilleur bénéfice environnemental et économique. Donc, premièrement, c'est favoriser la réduction de la source, ensuite réutilisation, recyclage et valorisation, finalement l'élimination en dernier recours. Donc, ensuite, la politique prévoit également de responsabiliser les entreprises, donc évaluer les instruments économiques comme les taxes sur les matières premières. Donc, ça pourrait être une nouveauté au Québec où les consignes, donc, soit mm-hmm. élargir ou l'appliquer à d'autres produits qu'actuellement, donc, visant à permettre à prolonger la vie des produits. Et l'usage, ouais, c'est ça, éviter l'usage là, de la mise en marché de produits de courte vie. Ouais. Donc ça c'est parce que ça se faisait avant, je sais pas, techniquement c'est possible de le faire. Oui, ben oui, puis pour les produits qui ont des consignes, ça marche bien, hein. Ben pour les canettes d'aluminium, ça marche très bien. Oui, les taux de récupération sont excellents. Puis l'aluminium, bien entendu, c'est une matière que les entreprises veulent mettre la main. C'est facile à recycler. Ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on sait que ça demande énormément d'énergie faire de l'aluminium. Au départ, ça coûte beaucoup d'énergie au départ, mais après à recycler, ça coûte presque plus rien. Donc, le gouvernement prévoit également de rendre les activités de mise en valeur là, des matières résiduelles plus concurrentielles, donc par une augmentation des redevances pour leur élimination. Mm-hmm. Donc, on l'a vu l'année dernière, là, justement, avec le programme de biométhanisation. Le gouvernement, au même moment, avait annoncé qu'il ajoutait une redevance de 9,50 $ la tonne pour l'élimination des matières. Ouais, donc, ça, c'est pour dissuader d'envoyer les déchets dans les sites d'enfouissement. Exactement. Ça. Puis, ça s'ajoutait à une redevance qui existait déjà de 10,88 $. Donc, on est tout près de 20 $ et je sais pas, là, quelques cents. Alors, on est loin du compte, par exemple, souvent la récupération, bien entendu, la valorisation coûte plus cher que l'élimination et c'est vraiment un véritable combat là, qu'on doit s'attaquer. Alors, pour modifier les modes de production et de consommation, qui, je le répète, est selon moi les principaux responsables de la situation des matières résiduelles au Québec, là, on prévoit de transférer des municipalités aux producteurs la gestion et financement des programmes de récupération et de mise en valeur des produits en fin de vie utile. Donc, c'est encore les programmes de REP. Mm-hmm. On va élargir, bien entendu, ce concept-là à de nouveaux Donc, produits. Donc, responsabilité REP, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, responsabilité élargie des producteurs. Alors, premièrement, on veut améliorer avec ces programmes-là le traitement des matières résiduelles parce que, bon, les producteurs devront à tout prix éviter l'élimination des matières, donc trouver d'autres solutions. Et cette mesure-là devrait implicitement favoriser, si on veut, l'éco-conception là, qui vise à prendre en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement des produits. Parce que du coup, c'est eux qui vont devoir prendre en compte les coûts d'élimination ou de revalorisation, etc. Et donc, moins ils produiront de déchets, moins il y aura tous ces coûts. Exactement. Donc, plus ils auront un produit qui est conçu écologiquement, plus ils pourront être compétitifs sur les marchés. Ouais. Donc, ça risque d'apporter des changements majeur au niveau des modes de consommation pour les consommateurs. Mm-hmm. Alors, pour stimuler la performance du secteur industriel, commercial et institutionnel et celui de la construction, rénovation et démolition, le gouvernement prévoit investir 30 millions de dollars là, dans des programmes pour améliorer la récupération des matières recyclables générées hors foyer, dont les matières organiques. Donc, c'est un autre secteur qu'on doit absolument améliorer, selon moi. Puis, on sait également que ça a des impacts par la suite sur la gestion des matières résiduelles, mais à la maison. Donc, si on le fait au travail, on sait que, bon, de retour à la maison, ça dépend on risque, aussi. Ouais. Exactement. Les personnes risquent d'adopter un comportement similaire. Oui, c'est ça. Alors, une autre mesure qui, selon moi, ne risque pas de faire le bonheur de tout le monde, prévoit malheureusement que le gouvernement analysera la performance des systèmes de collecte sélective et de consignation. Donc, à tous les deux ans, le gouvernement se donne comme objectif de publier un rapport sur son évaluation. Et ce qui est dommage, en fait, c'est est-ce que le gouvernement va conserver la consigne? Mm. C'est la grande question qui s'était posée il y a deux ans. Ça se pose toujours. Ouais. Ceux qui gèrent la consigne veulent la garder, tandis que les entreprises qui financent, par exemple, le bac bleu là, pour la récupération voudraient bien mettre la main sur la ressource de les canettes en aluminium. Ouais, ouais. Donc, pas nécessairement les bouteilles en verre. De bière, mais la canette d'aluminium qui a une valeur assez incroyable puis que, bon, qui peut permettre de rendre beaucoup plus performant économiquement là, tout le processus de récupération. Mm. Alors, c'était des mesures qui sont présentes dans la nouvelle politique. Il y en a 40. Je pense que ce qui est assez majeur dans cette nouvelle politique-là, c'est que on voit les effets de la loi sur le développement durable qui a été adoptée en 2006, puis les principes de cette loi-là qui se reflètent. Qui sont appliqués dans cette politique-là. Ouais, puis j'ai rencontré il y a environ deux semaines des personnes à la direction des matières résiduelles, pardon, au ministère, puis je leur ai posé la question de savoir est-ce que vous vous sentez visé par la loi sur le développement durable, parce que bon, c'est l'administration publique, tous ces organismes, puis tous les ministères qui sont visés par celle-ci, et ils m'ont répondu que oui, bref, puis c'est vrai qu'on retrouve certains principes dans cette politique-là. Donc, ça serait intéressant de voir. J'espère que le commissaire au développement durable que l'année prochaine là, touchera un mot là, sur cette nouvelle politique-là et le fait que, bon, le gouvernement, dans ce secteur-là, s'engage réellement là, sur la route du développement durable et que, bon... Mais d'un autre côté, j'avais cru entendre à l'automne ou peut-être à cet hiver que Rossi-Québec changeait de bureau, fermait ses portes. Est-ce que ça en est? En réalité, c'est un projet de loi qui a été déposé avant Noël, si je ne me trompe pas. Je pense. Et on prévoit que d'intégrer Rossi-Québec au ministère du développement durable, environnement et des parcs. Donc, comme Rossi-Québec va disparaître. Ouais. Et, alors, c'était un organisme qui s'autofinançait complètement. Oui, puis même, je pense, générait... c'est un organisme également qui était sur le terrain, si on veut. Moi, personnellement, d'un point de vue juridique, c'est certain que... écoutez, Rossi-Québec avait des ententes à négocier avec des grandes entreprises, surtout par rapport au programme de REP, donc toutes les ententes d'agrément. C'est des multinationales, c'est un lobby très fort. Le fait que, bon, si Rossi-Québec est intégré au ministère, là, ça, les entreprises vont devoir négocier avec le ministère. Je ne veux pas dire qu'il y avait un rapport de force, mais c'est un peu ce que je veux souligner. L'autre élément que moi, personnellement, c'est vraiment d'un point de vue juridique, là. Je pense que l'interprétation aussi que Rossi-Québec faisait de la réglementation mise en place par le ministère, par les responsables là, au ministère, c'est une autre interprétation. Ça rajoute des acteurs. Mais d'un point de vue pratique, sans doute que Rossi-Québec a une expertise que le ministère va devoir s'assurer de conserver. Ouais, hein, parce que, bon, c'est eux qui travaillent avec les entreprises sur le terrain, avec les municipalités. Ils peuvent certainement là. C'était une société assez importante. Puis le projet de loi est toujours pas adopté. Là, okay. Donc faudra voir. Moi j'avais vu, c'est drôle, j'avais vu 1er avril comme quoi ça devait être le 1er avril, mais j'ai pas eu de nouvelles ou j'ai pas vu il y a deux semaines quand je suis allé voir sur le site d'Assemblée là, que le projet de loi avait été adopté. Donc je ne sais pas si ça va arrêter là ou pas, si ça va continuer. Mais le fait que le Rossi-Québec perde son indépendance en retournant au ministère de l'Environnement, est-ce que ça le rend plus vulnérable au lobby des grandes entreprises? Rossi-Québec va être plus vulnérable? Je pose la question. Autrement dit, est-ce que à ce moment-là, les lobbies des grandes entreprises vont plus se faire par le biais du ministère? Parce qu'avant, il était comme... C'était une entité autonome, là? Bien, en réalité, oui, non. C'est une question sur tout le les entreprises, maintenant, l'interlocuteur, ça ne sera plus Rossi-Québec. Ça va être le gouvernement. Ouais. Donc, c'est vraiment de ce point-là que je vois que, bon, il va y avoir peut-être un rapport de force plus équitable que Rossi-Québec, qui est bien entendu... je veux dire, c'est une créature du gouvernement, ça a été créé par la loi, son objectif, c'était d'implanter la récupération, si on revient là, dans la loi, là, en 90, quand ça a été adopté, là, c'était de mettre en place la récupération au Québec, puis on a vu justement avec les programmes de responsabilité élargie des producteurs, la réglementation prévoit que, par exemple, pour la collecte sélective, que Rossi-Québec doit négocier avec les municipalités et les entreprises. Et ce qui a été énormément contesté à travers les années par rapport à ça, c'est qu'il y avait un montant de la somme que les entreprises remettaient aux municipalités chaque année, donc pour financer la collecte, et Rossi-Québec conservait, je ne sais pas, là, 5% ou bon, et les municipalités les municipalités et les entreprises aussi ont dit, écoutez, on n'a peut-être pas besoin de Rossi-Québec, on peut négocier entre nous, l'argent, Rossi-Québec n'a pas besoin de retenir cet argent-là, investissons-là pour améliorer leurs collègues. Le système. Donc, ça a été une des reproches. Je ne sais pas quelle est la raison véritable, par exemple. Il faudrait voir si éventuellement on va la connaître, mais bon. Par rapport à la REP, étant donné que c'est mon domaine de recherche, je sais que c'était un peu contesté. Puis d'ailleurs, dans le nouveau projet de loi qui devrait être également adopté très prochainement, selon moi, pour la collecte qui va éventuellement passer à 100%, là, la redevance que les municipalités vont d'ici 2015, je crois, là, il n'y aura plus de... Le projet de loi ne prévoit plus de négociation, si on veut. Le processus de redevance va être intégré dans la loi. Mm-hmm. Parce qu'on a vu que les municipalités et les entreprises ne s'entendaient pas. Il y a certaines les entreprises sont prêtes à participer, mais bon, eux, leurs arguments, c'était que les municipalités... remettaient des chiffres un peu... bref, les entreprises veulent savoir de où ça venait, ces chiffres-là. Mm. Votre taux de récupération ou vos coûts, mais pourquoi dans une ville, ça coûte 400 $ la tonne recyclée, ouais, alors que dans une autre ville, ils nous disent 150? Ouais. Donc, quand on dit aux entreprises, faites des chèques, ben c'est normal qu'eux sont un peu... ben là, on veut savoir pourquoi ça coûte 4 fois plus dans tel... Je pense qu'ils ont le droit de le savoir. Là. C'est un peu comme les autoroutes aussi, au Québec, en Ontario. Hein, ouais. Ça coûte plus cher ici qu'en Ontario, on a le droit de savoir pourquoi. Ben, ouais, c'est ça, exactement. C'est, étant donné qu'on le finance, je pense qu'il faut permettre aux entreprises. Puis, c'est pas avoir de mauvaise foi. Je pense que ces entreprises sont maintenant, ils seront à l'idée. Là, ils vont devoir gérer leurs produits. Puis, ben, certaines entreprises ils ont des comptes avant. Mais ils vont, ils vont participer. Puis c'est une bonne chose parce que si on peut arriver éventuellement là, dans un monde idéal, ce serait que le consommateur, lorsqu'il va avoir le prix le plus bas, ce sera. Parce que non seulement, je sais pas, le producteur a des coûts de production plus faibles, mais également parce que le produit est mieux géré d'une façon environnementale, ça a moins d'impact. Donc là, on rentrera vraiment dans une économie comme le développement durable prévoit, là, où est-ce que tous les coûts, certains coûts directs, par exemple, sont intégrés, sont internalisés. Dans, et puis tout le monde est à la même, au même niveau. Là. Tout le monde doit intégrer ces coûts-là, parce que tant que tout le monde n'est pas intégré ces coûts-là, ben, ceux qui le font, ceux qui ne le font pas, il y en a qui ont des prix meilleurs marchés que d'autres. C'est ça. Puis il faut absolument éviter que ce soit les contribuables qui financent. Je veux dire, question d'équité, par exemple, je suis certain que si on prend deux maisons sur une même rue à Québec, le compte de taxes, par exemple, pour la gestion des matières résiduelles, il est le même. Mm-hmm. Alors que c'est-tu normal qu'une personne qui vit tout seul par rapport à une famille de 6, là, mettons ça à l'extrême, paye la même chose? Je veux dire, le problème, c'est qu'on envoie un mauvais message. Hein. Je veux dire, on fait des choix, puis on n'a pas le bon message, on n'a pas la bonne information. Puis les personnes, par exemple, qui font du compost à la maison ne sont pas récompensées pour ce travail, mais pas du tout, parce que de toute manière, la ville dit, bon, ben vous payez de toute manière dans le compte de taxes pour l'élimination. Mm. Puis même si vous faites du compost, vous allez payer pour ceux qui en font pas. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement équitable. Mm. Puis, J'avais posé la question parce qu'on sait qu'en France, il y avait une région sous... c'était un projet, je me rappelle pas si c'est l'Alsace, mais ils ont mis des pesées sur les camions pour la récupération et l'élimination. Ça a été fait quelque part en Californie aussi. Ah oui? Ouais. Ben, c'est un excellent incitatif. Je veux dire, en tant que consommateur, vous allez rendu une fois à la maison, vous allez payer pour ce que vous mettez dans vos... Mais un des problèmes, c'est qu'on a vu en Europe, surtout en Allemagne, c'est qu'il y a du monde qui prenait leurs déchets et s'en allait les... Ça allait porter ça un peu partout, donc ou tu sais, je veux dire, on peut juste voir entre voisins là, aller porter son sac de poubelle là, chez le voisin dans ses... Je pense qu'il y aurait des poubelles seraient barrées avec des cadenas là, ou... justement éviter qu'on... Mais bon, c'était une solution, puis c'est certain que ça donnerait vraiment là, ça donnerait une idée à tout le monde là, de sa consommation, puis bon. On va passer par les producteurs, puis ce sera les producteurs qui répercuteront les coûts, justement, de la gestion aux consommateurs. Je pense que c'est une autre solution qui est tout à fait équitable aussi. Donc, finalement, pour responsabiliser les consommateurs via leurs achats, via le fabricant, donc via leurs achats. Exactement, c'est ça. Donc, si on peut penser, là, prenons les télévisions, où est-ce que, bon, les produits sont quand même semblables, ça serait intéressant de voir, là, parce que les produits électroniques sont visés, bien entendu, ça serait intéressant de voir entre deux entreprises, deux compagnies. Là. Parce que je sais, ça existe déjà au Japon, ces programmes-là, donc les entreprises sont déjà au courant, ouais. c'est pas nouveau, sauf qu'on a vu, surtout au Japon, c'était intéressant, c'était Sony, je crois, si je me trompe pas, rapidement, ils ont dit, ben on veut reprendre nos télévisions parce qu'on a changé nos modes de production, parce qu'on réutilise qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on met dans nos télévisions. Ben oui. Donc, ça permet certainement des économies. Puis c'est un changement de mentalité aussi. Oui, c'est ça. Ben finalement, c'est une longue discussion qu'on pourrait poursuivre. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce qu'on fabrique, comment on le fabrique, ce qu'on consomme, les déchets qu'on en tire, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets, etc. Exactement. Mais, ça, c'est des ressources qui peuvent nous rapporter énormément. Malheureusement, on en voit un peu trop, selon moi, à l'élimination, qu'on perd, qu'on gaspille. Mais bon, justement, avec les biogaz, on a un bel exemple où est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos déchets. Puis, on peut éventuellement étendre ce concept-là à d'autres matières. Absolument. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler en détail. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci. Alors, je pense que va être un cours en actualité, mais ce sera pour une autre fois. Donc, on va juste clore l'émission, remercier tout le monde. Donc, merci les chroniqueurs.